entre deux eaux. Prends place, remous entre l'eau de vie et la flaque morte. Un moment ça baigne, tout est polisse, puis vient la noyade comme un maléfice sur le fil. J'ai pas la fibre sur le fil du rasoir où je me lasse. Des penchants pour le subtil et l'illusoire entre deux chaises. Attendre la suite, un penchant pour la tristesse en attendant l'envie. Apprendre à pleurer, pleurer de rire, puisque viendra mon tour. Magie de la fin sur le fil. J'ai pas la fibre sur le fil du rasoir où je me lasse. Des penchants pour le subtil et l'illusoire entre deux moments perdus dans le temps. Brouillard devant, arrière toute, le passé se dépasse, le présent se présente sous un jour nouveau. Le monde change sur le fil. J'ai pas la fibre sur le fil du rasoir où je me lasse. Des penchants pour le subtil et l'illusoire sur le fil. J'ai pas la fibre sur le fil du rasoir où je me lasse. Des penchants pour le subtil et l'illusoire.